Premier mercredi du mois, sur tous les produits à prix réguliers en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1ère avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, on ouvre avec un extrait de Kama Sutra, le 8e album studio de Sindone, la formation italienne Sindone. Le disque devait à l'origine paraître en fin juin, début juillet. Et finalement, ben non, on va devoir attendre jusqu'au 25 août. Pour entendre et écouter le nouvel album, parce que le groupe a signé une entente avec une maison de disques japonaise et finalement la maison a demandé à ce que la parution soit reportée le 25 août pour leur donner le temps de s'organiser eux au Japon et évidemment pour pas que les gens se le procurent ailleurs. En attendant, donc 25 août pour Sindone, mais on écoute un extrait quand même aujourd'hui. Ce sera suivi d'un nouvel extrait d'un tandem qui a pour nom Ricardo et Rebecca, la pièce They Will Go On. C'est multinational et on a notamment dans le groupe le guitariste Raphaël Moreno qui est canadien. Et puis au clavier, on retrouve Ronaldo Rodriguez, claviériste de Caravela Escarlata. La formation brésilienne. Et puis, ben Marc, je pense qu'on va avoir aussi des nouvelles du côté de la Hollande, des Pays-Bas plus précisément. Oui, on aura la formation Schumann, qui est un projet du chanteur, guitariste, claviériste Farad Hossein, qui était au départ de Iris Divine. Ce sera leur troisième album, donc Memories and Intuition, qui va paraître le 10 septembre prochain et qui comporte la participation de plusieurs invités connus, dont Leo Margaret de Pain of Salvation, le batteur Thomas Lang, qui avait joué avec Peter Gabriel, et des musiciens comme Atma Anour et Mark Zonder de Fate Warning. Et on aura la pièce Memories of Water. Ce sera suivi de la formation des Pays-Bas, Time Lock. C'est leur nouveau EP qui vient tout juste de paraître la semaine dernière, Stay Awake. Donc, une formation qui a débuté au début des années 90. Il y avait deux albums dans les années 90, deux albums dans la première décennie des années 2000. Et puis, il nous arrive, après plusieurs années d'absence, avec Stay Awake, et on aura la pièce Forgotten Words. Mais tout d'abord, Sindone et Ricardo en Rebecca. Blessed be your hips and thighs. In my holy room, there's spreading hallelujah. Blessed be your arms and your fingers too. I'll be stronger if you hold a string on you. Oh, this way you move is sacred. This way you move is sacred and profane. Can't you feel how my life is? We're losing control. Yeah. stained glass saints keep a watchful eye. The flickering candles offer up the flame, burning in memory, each one has a name.

les Arches de l'Entente, c'est inspiré de la structure des maisons longues, qui est aussi apparentée à la structure de l'abri temporaire pour les voitures. C'est en fusionnant ces deux cultures-là dans une forme reconnaissable, la structure de l'arche, et ça symbolise l'entente entre deux nations. À découvrir sur la fabrique culturelle. Ma pratique est beaucoup reliée à investir le lieu, à prendre le plus d'espace possible dans le terrain qui m'est donné, puis de s'intégrer avec les caractéristiques architecturales. Beaucoup influencé par les défis techniques que ça engendre. Les Arches de l'Entente, de Ludovic Bonnet, au Musée de la Civilisation. L'œuvre de Ludovic Bonnet s'inscrit aussi dans le contexte du Grand Hall du Musée de la Civilisation, où il y a une présence historique importante et où il y a aussi d'autres œuvres d'art. Évidemment, à commencer par l'œuvre d'Astéruge, qui a été installée au musée en 1988 pour l'inauguration du musée. Donc, il fallait que l'œuvre de Ludovic s'intègre dans tout ça. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Hey, je vais te laisser. Je dois recevoir mon vaccin Lac des Îles. Ton vaccin Lac des Îles? Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille. Pas bête, ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ça me manque les soirées improvisées avec les amis. Hey, moi, j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Marc, vous parlez tantôt de Timelock, une formation néerlandaise. Eh bien, le deuxième bloc va aussi avoir comme invité une formation néerlandaise. Le groupe a pour nom Argus. Et c'est un extrait de son second album qu'on va vous présenter, The Outsider. Le groupe a produit un album en 2016 qui a pour titre Tell Me. Ce sera suivi de Mick Paul, bassiste du David Cross Band depuis 1995. C'est son second album solo, je pense, Parallel Lives. Dans les années 80, il a collaboré aussi avec Mick Rutledge de Soft Machine. On l'a aussi retrouvé travaillant avec Robert Fripp, John Wetton et Peter Hamill. Une belle petite surprise que le disque de ce bassiste britannique. Et puis après ça, Marc, on poursuit avec la visite de la Scandinavie. Oui, c'est la formation Pennies by the Pound que tu as présentée la semaine dernière, que j'ai découvert par la même occasion. Un groupe finlandais qui on a présenté un extrait de leur nouvel album Eat Death of the Universe. Alors on aura une seconde pièce, la pièce de 60s. Ce sera suivi de la formation Pixie Ninja, cette fois-ci de la Norvège, une formation qui a débuté en 2015 et ils ont deux albums. On aura un extrait du premier album qu'ils ont réalisé sur lequel des artistes d'Anglagarde, Necromonkey et The White Willow, se sont joints à la production. Et donc, vous imaginez un peu le bel univers. On aura donc la pièce Ultrasound Elusive The Wind, de l'album Ultrasound de Pixie Ninja. Mais tout d'abord, Argus et Mick Paul. hear voices in my head, they're killing me, get up and out of my mind, breathing me, I want to cry, spirit out of my body, heat from my throat is not to keep. Touch the sky, reach the unreachable, find some answers we've never been answered before. Hear me when I'm called. Don't talk to me. Insanity, well, I'm here at all. Want to touch the sun. Felt its warmth in me. You never take away. Take away my dignity. Is there somebody out there? Or is it a bad dream? It makes me scared, scared and unsure. I squeeze myself detached from it, but somebody holds me tied against the wall, tied against the wall. We'll be right back. done, we'd have to say, and who'd regret it? Either way, these are the risks that we would take. If the door is open, for our sake. Smile still haunts me like like a promise of intelligent design. I search through the outline of her being for the one that left me écoutez présentement Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chonnet. Et évidemment, c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Thank you.

Le groupe a tellement apprécié que le bassiste, qui se trouve être aussi le bassiste de Airbag, en retournant en Norvège, a dit que Airbag se devait de jouer à Terra Incognita, et c'est exactement ce qui est arrivé l'année suivante. Et on va écouter un extrait du plus récent disque de cette formation norvégienne qui finalement est une de celles qui porte le flambeau bien haut en Scandinavie. C'est le Dweller of the Deep et c'est la pièce By the Banks que Lars-Fredrik Freusli va nous présenter. And now a rather new song called By the Banks from the new album Dwellers of the Deep from 2020. Actually, it's the basics of the song is from 2011, so it's right after Rites at Dawn. So it's actually predates From Silence to Somewhere, where I had made most of the stuff except the vocal parts and the lyrics, which Andreas made. And here's By the Banks. Chasing me. Persephone, your path has led me free. Your light is ever bright, illuminates our fright. Amazed from dusk till dawn. La présence des Jupiter. s'en viennent. La mère dit à sa fille, en lui montrant la vie qui coule. Le monde est vibre dans les plantes sauvages. Et nous vibrons à l'unisson avec nos breuvages. Ici, revanche iris peuvent guérir et tuer. Vous pourrez choisir votre destinée. Soudain, madame a élevé et jette la poussière. Yesterday, turbulent times, sigh.

eyes on now to find our pastures new. Follow directions on the screen and find our way to something we never knew was there, and keep it on our machines. We'll be right back.

Ce soir, on vous laisse avec une pièce de l'album Visioni, Deliri et Illusioni de la formation italienne Wicked Minds. C'était leur cinquième et malheureusement, je pense aussi leur dernier, paru en 2011. Un album entièrement constitué d'interprétations de groupes italiens. On y retrouve des pièces de Trip, Osanna, Balletto di Bronzo, Delirium, New Trolls, Liormé et j'en passe. Et on va écouter une pièce de Osanna. Et la particularité, c'est que le groupe avait invité certains chanteurs à contribuer, dont Lino Veretti de Osanna, et aussi Aldo Tagliapietra, et aussi Stefano Galifi de Museo Rosenbach. Donc, je vous invite à rester des nôtres, l'autoroute, dans quelques instants, et revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. C'était Michel Bilodeau et Marc Chonnet avec vous depuis 22 heures. Creare, ovunque creare, il sole da luce, il freddo, il calore, l'amore d'amore, ovunque l'amore. Dai tempi di un tempo, da poco vissuto, l'inizio di un mondo, non certo voluto, agli oggi in cui sogni